Ainsi donc, puisque le latin a eu un tel rayonnement dans le monde et en Europe, où il a laissé tant de traces aussi évidentes que précieuses et abondantes, dans tout le domaine des linguistiques, sérieux et ou ludiques, et puisque tant de documents que nous avons butinés ici ou là attestent qu'il est toujours vivant, ne serait-il pas temps, dans notre actuel tour de Babel, qu'il redevienne la langue culturelle de l'Europe? Belle, claire et concise, harmonieuse et précise, cette langue est également accessible à tous quand on l'apprend pour ce qu'elle est, une langue vivante. Langue culturelle et ancienne, puisque bimillénaire, oui. Langue morte, non. Face à ses rivales, l'anglais et l'espéranto, dont l'apprentissage est prétendument plus facile, alors que vous traduirez sans peine, notamment, les nombreuses vignettes latines qui illustrent la simile présentée plus haut, le latin mérite donc toujours son titre de Regina Linguarum, reine des langues, pour relier au moins tous les Européens, car le latin est une clé unique en son genre à la portée de tous. Que vous soyez un saint particulier ou que vous disposiez d'un pouvoir décisif, administratif, politique ou associatif, au niveau local, régional, national et ou européen, merci de votre bienveillante attention.